Cours numéro 2. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-allama al-shaykh Sa'di rahimahullahu ta'ala, alhamdulillah, al-mawsuf bi-sifati al-azama wal-kibriya wal-kamal, al-munazzah ani al-shariq, والنقص والشبه والمثال. قال وأشهد أنه المنفرد بالوحدانية المستحق لإفراده بالعبودية في كل الأحوال، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم في العقائد والأخلاق والأقوال والأفعال. أما بعد، فهذا تعليق لطيف على عقيدة شيخ الإسلام ابن تيمية المسمى بالواسطية، التي جمعت على اختصارها ووضوحها جميع ما يجب اعتقاده من أصول الإيمان وعقائده الصحيحة. Et dans le درس précédent, on avait lu certaines paroles de savants sur l'importance de هذا المتن المبارك, ce petit livret qui est très très important. الشيخ سعدي هنا قال رحمه الله التي جمعت على اختصارها ووضوحها جميع ما يجب اعتقاده من أصول الإيمان, أي les fondements de l'Iman, الإيمان بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر. هذه العقيدة شيخ الإسلام رحمة الله عليه il a expliqué ses fondements, أي les fondements de la foi, أركان الإيمان, les piliers de la foi, وعقائده الصحيحة, tout ce qui est lié à العقيدة, les noms d'Allah سبحانه وتعالى et ses attributs, ما يتعلق bien sûr الاستواء والعلو, أن الله سبحانه وتعالى il est au-dessus de son trône, au-dessus de toutes ses créatures. أن الله عز وجل له صفة الكلام, أن الله سبحانه وتعالى il parle quand il veut, comme il veut, à qui il veut, عز وجل. وهكذا beaucoup de صفات il a cité رحمة الله عليه في هذا المتن. Et d'autres choses, ما يتعلق بالبعث كذلك, بعد الموت والحساب والجنة والنار, tout ce qui est lié à l'aqida, aïe la foi, aïe ce que le mu'min, il doit impérativement y croire. هذه الرسالة c'est في هذا الموضوع المهم, et c'est la matière, la science la plus importante كما تقدم. قال وهي وإن كانت واضحة المباني محكمة نعم المعاني, قال وهي وإن كانت واضحة المعاني محكمة المباني تحتاج إلى التعليق يزيد في توضيح بعض ما فيها من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. صحيح أنها واضحة, elle est très très simple, ولله الحمد elle est claire, أي cette croyance, شيخ الإسلام إلى employé des mots très très simples, il a résumé ma tawassa' comme dans certains de ses livres rahmatullah alayhi, ou qu'il a beaucoup détaillé. Amma fi hadha al-mu'taqad al-'azim, il a cité l'essentiel et très simplement. Lakin kama qala al-sharih al-sheikh Sa'di rahimahullah tahtaj ila ta'liq yazid fi tawdih ba'd ma fiha. Il faut un sharh, l'explication d'un savant, surtout au départ, pour expliquer les versets du Coran, pour expliquer les hadiths que Cheikh al-Islam rahmatullah alayhi a cité, pour expliquer certaines masa'il, les détailler, bien sûr en restant simple et résumé. Et min ahsan ash-shuruh min hayth al-ikhtisar, c'est هذا الشرح, le sharh de Cheikh Sa'di rahmatullah alayhi. Il a résumé. Et comme تقدم معنا, il n'a pas détaillé, il n'a pas expliqué tous les mots. Comme يفعل بعض الشراح, ils expliquent tous les mots pratiquement. كما فعل صاحب التنبيهات السنية رحمة الله عليه. أما الشيخ سعدي رحمه الله يسيت لا مسألة ثم il explique بالجملة, il explique en résumé, أي le sujet, le point. Il ne va pas expliquer tous les mots de chaque verset et هكذا الأحاديث et هكذا toutes les paroles de Cheikh l'Islam. لا, c'est un charh qui est مجمل. Et هذا c'est طيب. L'essentiel c'est de comprendre le contenu. Pourquoi Cheikh l'Islam il a cité cette mas'ala? C'est quoi الشاهد? C'est quoi notre position نحنو? أي من حيث الإيمان بها etc. Et هذا يكفي ولله الحمد. Et là chaque année, celui qui veut avancer, il doit profiter des autres shurouh, des autres explications. لكن sans se précipiter. أولا احفظ المتن. Et on a oublié de nabah au début. On a ceux qui veulent réciter. On essaiera de, à chaque fois au début du cours, si un frère il veut réciter, on choisira, ou un frère il demandera s'il veut réciter, et Inch'Allah, il récite. Enfin, à la kulli hal, donc, al-inaya bi al-matn awwalan, apprendre al-matn par cœur, les paroles de Cheikhoul Islam, thumma, comprendre Sharh al-Sheikh Sa'di. Il va expliquer Kalam Cheikh al-Islam bil jumla, en résumé, sans détailler. Si tu as compris al-matn Kalam Cheikh Sa'di rahimahullah, en fait, tu auras compris cette aqida bi-ikhtisar ou bil-ijmal. Livre après livre, tu détailleras. Alors, au début, concentre-toi sur le matn Kalam Cheikh Sa'di sans lire tous les shurouh. Il y en a بعض الشروح, il détaille في بعض المسائل. Et ربما نحن ces détails, on les aura pas cités ensemble. Et peut-être ça va te poser un ishkal où tu voudras savoir et tu auras beaucoup d'informations et ça va te ralentir. Ah, c'est pas comme ça l'ilm. Tu étudies le livre que tu as entre les mains. Ne pas faire l'erreur de certains au début. Imma l'enseignant, imma l'élève. Ça arrive ahyanan les deux, ahyanan un des deux. Anahum, ils veulent tout mettre. Ils pensent que c'est ça l'ilm. مثلا سيأتي معنا اليوم إن شاء الله تعالى قوله الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق إلى آخره الحمد لله. On peut passer un درس dessus, بل أكثر, بل on peut faire une série de cours sur الحمد لله en citant كلام الشراح, بل en revenant à كلام الإمام ابن القيم لكثير, كلام المفسرين, et revenir كذلك أهل اللغة qu'est-ce qu'ils disent في الحمد. On peut rester des cours, c'est pas ça العلم. Ça, c'est très très simple. Le jour où tu voudras une fa'ida, si tu as étudié l'ilm, tu sauras où la trouver. Madalan, celui qui veut beaucoup de paroles, beaucoup d'explications sur Alhamdulillah, revient à Kutub al-Tafasir, le premier ou un des premiers versets. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Kalam ibn Jarir, Kalam al-Imam ibn Kathir, l'Imam Qurtubi, l'Imam Shawkani, كذلك العلماء الذين اعتنوا باللغة كالإمام القرطبي etc. Tu peux faire des doros. C'est pas ça l'ilm. L'ilm, c'est pas kathratu an-nukulat. On cite toutes les paroles, on revient au shurrah. قال صاحب التنبيهات, قال شيخ العثيمين, قال شيخ صالح الشيخ, قال شيخ صالح الفوزان, قال فلان فلان فلان. On peut rester des heures, c'est pas ça l'ilm. L'essentiel c'est que tu comprennes c'est quoi Alhamdulillah. Cheikh Saadi, vous verrez qu'il a cité un kalam très simple. Ça veut pas dire qu'on rajoutera rien, ahyanan on rajoutera quand on verra que c'est munasib, lakin sans exagérer. فَلِهَذَا الْبَعْدِ passe ربما des semaines, des mois sur les premiers passages. S'ils arrivent à finir, enfin peut-être en plusieurs mois ou ça parle en années, et à la fin, il n'y a pas une grande faïda. Là, le cours, il est trop long. C'est un mukhtasar. Il faut que ça reste mukhtasar. ثم, avec le temps et avec l'ilm, et si tu fais des efforts, et bien sûr, si Allah subhanahu wa ta'ala te wafak, toi-même, tu pourras trouver les fawa'id de chaque mot. لِمَذَا لِأَنَا tu auras étudié ta aqida. Tu sauras c'est qui les imams qui ont détaillé tel point et tel point. Tu connaîtras les références. Alhamdulillah, si tu as les livres, ça sera très très simple. C'est pas ça le but. Fantabihu. Al-ilm, c'est pas bi kathrat al-kalam ou bi kathrat al-ta'liq ou al-hawashi. Ça, c'est très très simple. Celui qui a un minimum de références chez lui et, bien sûr, qui comprend l'arabe, il peut citer beaucoup de paroles. C'est pas ça, on répète al-ilm. Fantabihu. التدريس والدراسة هي une méthodologie claire. Tu comprends la parole du shir, tu comprends la parole de celui qui explique. Et ta'lamoun anna mitla al-shir sa'di rahmatullah alayhi, imamun fi sunna, imamun fi al-aqida, imamun fi tafsir al-Qur'an. Hadihi al-kalima alhamdulillah, il aurait pu expliquer en un livre, un juz mitla hadha, rahmatullah alayhi. Li katrat ilmihi wa attila'ihi, lakin ha'oula, ils n'écrivaient pas pour se montrer. Là, il a choisi d'expliquer à loi c'était avec une explication simple et résumée. D'autres savants, comme Kitab Tanbihat al-Saniya, il a choisi d'élargir, de détailler beaucoup plus. Alhamdulillah, tu as besoin des deux. Lakin, en tant que débutant, c'est pour ça qu'on a choisi le sharh de Sheikh Sa'di, hada c'est tayyib. Et tu laisses cette Tanbihat, mathalan al-Saniya, de Sheikh al-Rashid rahmatullah alayhi, pour plus tard. Mais tu sauras que c'est une référence. Si tu veux détailler ta aqidah, tu auras ce livre. Khassatan, si tu as étudié Sharh al-Tahawiyya d'Ibn Abi al-Izz rahmatullah alayhi, al-Tanbihat al-Saniya, il sera très très simple. Lakin hakada amma wahid, il veut étudier al-Wasitiyya, c'est son premier livre, et il veut emmener des masaïl de Sharh al-Tahawiyya, de Tanbihat al-Saniya, de A'immatu al-Sunna, dans certains roudoud, dans certaines choses. C'est pas comme ça, l'ilm. Lakin, ba'dhum, ils se précipitent. Ils se précipitent, ils veulent tout d'un coup. Et à la fin, ils n'ont pas grand-chose. Man rama al-ilm jumla, dhahaba anhu jumla. Wa man hurrima al-usul, hurrima al-usul. Hagada yaqul ahlu al-ilm. Et celui qui veut tout d'un coup, qui se précipite, qui ne donne pas de temps au fondement et au mouton. Et il élargit au départ, il détaille, Foulan il a dit, Sheikh Antel il a dit, dans tel livre, à la fin il ne restera pas grand chose de la base. Les Nalwasutiyya, c'est pour les débutants, on répète, c'est la base dans Al-Aqidah. Donc au départ, tu dois essayer de comprendre brèvement et en résumé. Thumma bi'idhnillah Azza wa Jalla, avec le temps, hadhihi Al-Aqidah. Tu ne vas pas l'étudier en une semaine, en un mois, tout comprendre. Là, hadi al-aqida, pour la comprendre, il te faut des étapes. Et une des premières étapes, c'est hadha al-matn. Al-wasitiyya. Thumma, une deuxième étape, thumma, une troisième, un quatrième niveau, un cinquième. Alhamdulillah, avec le temps, al-insan, il s'améliore, il comprend akthar. Qala rahimahullah. تحتاج إلى التعليق يزيد في توضيح بعض ما فيها من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وتبيين وجه دلالتها على المقصود. Ça c'est important. Et ça c'est une méthodologie طيبة pour l'enseignant et pour l'élève. Les deux. On a le but quand tu étudies un matn, que ce soit في العقيدة, que ce soit في الفقه, que ce soit dans la langue arabe, tu comprends pourquoi le cheikh il a cité هذا. Et s'il a cité un dalil, comme il a dit, « Wajhu al-dalala min al-hadith » ou « min al-aya ». Pourquoi il a cité ce verset du Coran? Il a cité ce verset, « Li annahu kada et kada ». Cheikh al-Fawzan, hafidhahullah, « Atana bidhal kathiran ». Quand il cite un dalil, quand il a expliqué plutôt un dalil, « min al-Quran » ou « min al-sunna » dans le wasitiyya, à chaque fois il dit « al-shahid min al-hadith » ou « al-shahid min al-aya ». Et هذا c'est طيب. Pourquoi l'Anna tu étudies Al-Wasitiyya? On n'étudie pas un Sharh Tahawiyya ou un autre livre. On étudie Al-Wasitiyya. Enfin, ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est la parole de Cheikh Al-Islam. Pourquoi il a dit telle chose? Pourquoi il a cité ce verset? Et à notre niveau, on comprend en résumé. Mathalan, سيأتي معنا باب صفة الكلام. Allah subhanahu wa ta'ala يتكلم. Il a l'attribut de la parole. Des adillah. Et on va étudier pourquoi ce dalil, Cheikh l'Islam il a cité, ou dans quelle partie de ce dalil, il y a une preuve que Allah subhanahu wa ta'ala y parle. Wa hakadha on avance. Qala rahimahullah, wa bayan wajh irtibat ba'd al-masail bi ba'd. Hada kadhalik, c'est tayyib. Et on l'avait fait, hada tadhkurun, wa lillahi alhamd, fi sharh kitab at-tawhid. Khassatan au début du matn. Anna Cheikh l'Islam, Mohamed ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah, il a cité des chapitres avant d'autres ou après d'autres pour une faïda importante. On l'a vu ensemble, fi kitab tawhid. Et c'est quoi, munasabatu hadha al-bab bil-ladhi qablah? Pourquoi il a cité ce chapitre après avoir cité l'autre? En général, il y avait une munasaba. C'était pas comme ça. Il a pas mis des chapitres comme ça sans faire attention à l'ordre. أحيانا entre les chapitres ou certaines مسائل, il y a un irtibat. Il a cité telle chose, ثم telle chose pour te montrer une autre chose. Ça c'est important في الكتب جدا. هكذا في تفسير القرآن المناسبة أو الارتباط بين الآيات وهكذا في شروحات أحاديث أو في شرح أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فهذا c'est مفيد. Donc faire le lien entre المسائل أي les sujets qui seront traités. قال وجمع ما يحتاج إلى جمعه في موضع واحد. Et ça c'est important لأن بعض المتون أو بعض العلماء ils ont écrit des متون et celui qui fait shorh, il t'explique et il te rassemble des points similaires de ce mettre dans un même endroit du kitab. Et ça, c'est tayyib jiddan. Tastafid min hada. Mathalan, al-Tahawiyya de l'imam al-Tahawi, alayhi rahmatullah, il a cité dans plusieurs, à plusieurs moments, en plusieurs endroits de son matn, al-Tahawiyya, c'est un petit livret comme al-Wasitiyya, lakin c'est pas murattab comme al-Wasitiyya. Fa ahyanan il parle de al-Qadar au début du livre, thumma il reparle du Qadar à la fin du livre, thumma il reparle du Qadar au milieu. Fa ash-shurah ils vont te montrer anna hadha c'est lié à hadha, et ils vont t'expliquer. Ils vont t'expliquer au départ, et quand t'arriveras maintenant à la fin, celui qui a expliqué le livre, il te dira, on a déjà vu ce point qui est lié au qadar, au destin, au début du livre. Et tu sais que hada c'est lié à hada. Ça c'est important fi al-sharh. قال والإشارة إلى بعض آثارها وفوائدها في القلوب والأخلاق. وشيخ الإسلام رحمه الله à la fin de cette عقيدة, il a cité des points importants sur le bon comportement. قال والتنبيه لكل ما يحتاج إلى التنبيه عليه لأن ما من مصنف ما من كتاب ما من رسالة فيها بعض الأمور التي تحتاج إلى التنبيه. إما حديث ضعيف, الشارح va te montrer أن هذا الحديث il est ضعيف. إما une chose qui a besoin d'être détaillée. إما une chose c'est une erreur. إما une chose c'est من الوهم. Le cheikh, il n'a pas voulu dire telle chose, lakin il s'est trompé, matalan, en écrivant tel mot. Ou un tambih vi, un khata vi, une nusra, une faute d'impression. Ou ghayr dhalik. C'est pour ça que étudier al-mutun, inda ahl al-ilm, c'est une des bases pour avancer dans la science. Amma lire tout seul et prendre des livres sans revenir à ahl al-ilm, khasatan, celui qui a la capacité. C'est pas comme ça la méthodologie des savants de la sunna. Celui qui n'a pas le choix et il peut pas se déplacer, il a arrivé hada alhamdulillah yajtahid. À notre époque il y a des moyens avec les audios de faire des efforts, lakin daiman revenir à ahlul ilm. Qala wa arju Allah أن يكون هذا التعليق على هذا الوصف وأن يكون خالصا لوجهه الكريم مقربا إليه نافعا سهلا في ألفاظه ومعانيه آمين. Donc cette مقدمة il a montré le but pourquoi il a écrit ce charh. C'est pour simplifier et خاصة à l'époque de الشيخ سعدي رحمة الله عليه, il n'y avait pas encore beaucoup d'explications de Al-Wasitiyya. هذا, vu que هذا المتن il s'est propagé جدا et beaucoup de طلبة العلم ils l'apprennent par cœur, beaucoup de مشايخ ils l'enseignent, الشيخ سعدي رحمه الله à l'époque il avait choisi de l'expliquer avec un شرح très très simple. فنسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يرحم الإمام ابن تيمية وأن يرحمنا جميعا. ثم بعد ذلك il a cité l'introduction de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. Fala, si un frère veut lire avant qu'on commence la lecture, on essaiera à chaque fois au début du dars. C'est tayyib hada, lakin ça demande que les frères y participent. Yanna al-ilm Pour avancer, il faut du ta'awun. Et nous, en fait, on a encore des débutants dans l'ilm. Et on est encore jeune. Enfin, on doit avoir de la inaya bil hifd. Ne crois pas que c'est un obstacle. Ne crois pas que tu perds ton temps. Et ne crois pas que si le mudarris il insiste ou il t'interroge, c'est pour ton mal. Ben avec le temps, tu regretteras de ne pas avoir fait encore plus d'efforts fil hifd. Arrivé à un âge, tu ne pourras plus apprendre par cœur. Tu seras occupé par certaines choses, le travail, les enfants, une da'wa, certaines choses, tu n'auras plus le temps. Tu auras des responsabilités, tu n'auras plus le temps de mémoriser par cœur. Al-hifd, ça demande farar min al-waqt. Ça demande de la tranquillité, ça demande que tu sois seul, ça demande beaucoup de choses. Arrivé à un certain âge, à un certain moment, tu auras beaucoup plus de mal. Ça, c'est une force azima, profitez-en. Wa'lam, walillahi alhamd, kathir minkum ya'lamun dhalik, anna ce qui te restera de ton ilm, c'est le hifd. Mali doros, t'en feras, bi'idnillah azzawajal, tu en as déjà fait. Lakin, ce qui reste, c'est le hifd. Ce que tu as appris par cœur, ça restera. Ce que tu n'as pas appris par cœur, en général, ça reste beaucoup moins que le hifd. Fa l'inaya, surtout hadihi al-mutun. Une ni'ma azima. Dans l'aqidah, tu n'as pas besoin d'apprendre tous les moutons. Là, si tu as appris la wasitiya par cœur et tu l'as compris, alhamdulillah. Moi, tu te concentres sur ad-dirasa, sur la lecture, sur l'étude. Donc, au début de chaque durus, si wahad veut lire, yatafaddal, une petite partie faqat de ce qu'on essaiera de lire ensemble. Faman yurid, tafaddal. شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إكرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. اعتقاد الفرقة الناجية منصورة. اعتقاد الفرقة الناجية. اعتقاد فرقة الناجية منصورة لقيام الساعة أهل السنة والجماعة. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقضاء خير وشر. Habitue-toi à ne pas te précipiter. Léna, ça va te rester. Thomas, quand on va te demander de réciter tout doucement, ça t'attable. Léna, tu as l'habitude de réciter vite. Léna, on a le temps. Walillahi alhamd. L'essentiel, c'est que ça soit clair. Barakallahu fi. قال رحمه الله. قال المصنف رحمه الله. وقدس روحه في عليين. أي Cheikh al-Islam, le Taymiyyah, rahimahullah. Un autre tambih avant de commencer. Anna hadhihi an-nuskha que j'ai, que la plupart vous avez, entre parenthèses en rouge, c'est le matn, c'est kalam Cheikh al-Islam, le Taymiyyah, rahimahullah. Thumma, l'autre kalam qui est juste après les parenthèses, c'est l'explication de Cheikh Sa'di, rahimahullah. Thumma, si vous tournez la page, les annotations de bas de page, tu en as deux. Tu as deux catégories. Mathalan, la page juste après, la page numéro 16, tu as un alif. Et juste en bas, tu as une autre annotation avec le numéro 1. Wahid. Quand c'est les lettres, al-alif, c'est kalam, Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayhi. C'est pour ça qu'à la fin, si vous regardez, si vous suivez la parole de Cheikh Ibn Baz, قوله قول الفرقة الناجية إلى آخره. Et la page d'après, à la fin, tu as une parenthèse avec la lettre Zay. Zay, c'est un ramz pour montrer que c'est Kalam Cheikh Ibn Baz. Ils ont mis Zay, les Anna Cheikh Ibn Baz. À la fin, c'est un Zay. Donc, tu as le sharh de Cheikh Sa'di. Et en bas, tu as les annotations de Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayhi. Les madali, annahu. À son époque, ils avaient lu sharh de Cheikh Sa'di, rahimahullah. Il avait cité quelques ta'liqat qu'ils ont cité en bas de page. Thumma, tout en bas, la dernière partie, c'est des chiffres, le petit 1, le petit 2. Hada, c'est min al-muhaqqiq. Celui qui a imprimé le livre, qui a vérifié le texte. Enfin, il a cité quelques notes. Imma une précision, imma une correction, imma une remarque. Hada. Hatta, c'est clair quand On lira ensemble et quand vous réviserez. قال رحمه الله قال المصنف رحمه الله وقدس روحه في عليين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هذه سلا مقدمة الإمام ابن تيمية رحمه الله. قال الشيخ سعدي رحمه الله الحمد لله أي أن جميع أوصاف الكمال ثابتة لله على أكمل الوجوه وأتمها. هذا سمعنا الحمد لله. Et pour bien comprendre, il faut connaître la définition de Al-Hamd, qu'on a cité dans plusieurs livres ensemble. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الحمد. هذا c'est une faïda من التنبيهات السنية dans son شرح il l'a cité. كلام شيخ الإسلام أن الحمد c'est quoi الحمد هو ذكر صفات المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله. C'est ça الحمد. ثم si tu dis الحمد لله, enfin, le sens c'est ce que Cheikh Saadi il a cité رحمه الله عليه. فهذا الحمد كلله. On dit الحمد لله. Et ce حمد il appartient à Allah عز وجل. Il est لله. C'est quoi الحمد? C'est ذكر صفات المحمود. C'est le fait de citer صفات المحمود. أي مثلا هنا للصفات الله سبحانه وتعالى. المحمود c'est celui qui reçoit الحمد. Ils traduisent par les louanges. Enfin, celui qui est loué, quand tu dis Alhamdulillah, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Les louanges, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu cites les caractéristiques. مثلاً في حق الله, les caractéristiques parfaites d'Allah azza wa jalla. Alhamdulillah, ou plutôt Alhamd, huwa dhikru sifatil mahmoud ma'a hubbihi wa ta'zimihi wa ijlalih. هذا الذكر, et le fait que tu vas citer هذه المحامد العظيمة, ça doit être accompagné avec le حب والتعظيم والإجلال. C'est ça الحمد. مثلا نحن دي الحمد لله على هذه النعمة. Donc نحمد الله سبحانه وتعالى. Pourquoi? Parce qu'il nous a donné cette نعمة, ce bienfait. مثلا أنه il a envoyé le prophète عليه الصلاة والسلام. C'est une نعمة عظيمة. On dit الحمد لله. هذا الحمد, c'est pas qu'avec la langue, c'est avec la langue et كذلك avec le cœur. On dit alhamdulillah limadha li annana on aime Allah subhanahu wa ta'ala et كذلك nu'azzimuhu wa nujilluhu. Et at-ta'zim on a détaillé ensemble hadha fi darsina as-sabiq sur l'explication des noms d'Allah azza wa jalla. Allah subhanahu wa ta'ala c'est l'azim, yastahiqu at-ta'zim. فالحمد donc c'est ذكر أوصاف المحمود أو صفات المحمود مع المحبة والتعظيم. أما s'il n'y a pas de محبة et de تعظيم, شيخ الإسلام قال فإن تجرد عن ذلك فهو مدح. C'est du مدح. Le مدح c'est le fait de citer quelqu'un en bien. Tu complimentes, tu dis à Nafoulan il est courageux, il est gada. Est-ce que tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas, c'est autre chose. فَسِي سَبِي مَحَبَّةٍ وَتَعْظِيمٍ فَسِي الْحَمْد. C'est pour ça qu'on dit Alhamdulillah. Si c'est بدون محبة وتعظيم, c'est du مدح. Et تذكرون أن الشيخ العثيمين رحمة الله عليه dans beaucoup de ses livres, هنا il cite l'exemple أن بعض الناس il cite يمدحون d'autres personnes pas parce qu'ils les aiment, بل ربما ils les détestent. لكن dans certains cas ils se sentent obligés de les citer en bien, لماذا? إما pour repousser un mal, إما pour avoir un profit. هذا بعض الناس يفعلون هذا. Ils disent des choses avec leur langue et ils ne croient pas à ce qu'ils disent avec leur cœur. أما quand on dit الحمد لله, ça doit être avec la langue et avec notre cœur. والله تعالى أعلم. Et كذلك une autre فائدة أن الحمد لله. Vous avez remarqué que الحمد هنا il est معرف, il est معرفة. Il y a ألف واللام. والعلماء يقولون أن هذا الألف واللام سلي الاستغراق. هذا تقدم معنا في بعض الدروس. أي جميع الحمد سلله. الاستغراق أي سأنغلب جميع المحامد. الحمد لله أي كله أو كله. فنحمد الله سبحانه وتعالى على ربوبيته. Quand on dit Alhamdulillah, nous, Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi? Parce que c'est Ar-Rabb. C'est lui qui nous a créé, c'est lui qui nous a donné, c'est lui qui nous a facilité. كذلك نحمده على ألوهيته. Pourquoi? Parce que c'est le seul qui mérite d'être adoré. Enfin, on doit l'adorer seul. Azza wa Jal. Et كذلك نحمده على أسمائه وصفاته. أنه il a des noms parfaits qu'on a étudiés ensemble, ولله الحمد, ou certains de ces noms. Et il a des attributs parfaits qu'on a déjà étudiés, ou certains, et on étudiera كذلك بإذن الله dans ce livre. فنحمده على ذلك. كذلك نحمده عز وجل على نعمه ومننه. Et c'est ce point que Cheikh Saadi l'a cité, رحمة الله عليه. قال الحمد لله أي أن جميع أوصاف الكمال ثابتة لله على أكمل الوجوه وأتمها. جميع أوصاف الكمال نحمده. Pourquoi? Parce qu'il est parfait. Ses noms, ils sont parfaits. Ses attributs, ils sont parfaits. عَزَّ وَجَلَّ. Tout ce qu'il fait, سُبْحَانَ, c'est parfait. فَنَحْمَدُهُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ جَمِيعَ أَوْصَافِ الْكَمَالِ ثَابِتَةٌ لِلَّهِ عَلَى أَكْمَلِ الْوُجُوهِ وَأَتَمِّهَا وَمِمَّا يُحْمَدْ عَلَيْهِ. Vous avez remarqué, قال وَمِمَّا يُحْمَدْ عَلَيْهِ. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça. On dit Alhamdulillah que dans ce cas, ou Nahmadullah que dans ce cas. Là, il a cité فقط un exemple. Et on vient de citer ensemble, وَلِلَّهِ الْحَمْدُ, d'autres cas. أي يحمد على الربوبية على الألوهية على أسمائه وصفاته وكذلك مما يحمد عليه نعمه على العبادة التي لا يحصي أحد من الخلق تعدادها. أي personne ne peut dénombrer les bienfaits d'Allah سبحانه وتعالى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الإحصاء c'est le fait de pouvoir dénombrer. ما أحد يستطيع. Bel, tu peux pas compter les bienfaits que Allah subhanahu wa ta'ala il t'a donné. Sans parler des autres. Sans parler des êtres humains, des animaux, des djinns, des anges, des créatures qui sont dans les cieux, sur la terre, dans les océans. C'est impossible pour l'insan. Bel, les ni'am qu'il y a en toi, tu ne peux pas les compter. Les ni'am que Allah subhanahu wa ta'ala il t'a donné, tu ne peux pas les compter, tu ne peux pas les dénombrer. Qala وأعظمها إرساله محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين كما أخبر الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Ça c'est une des plus grandes ni'am. C'est un bienfait عظيم. Et c'est un bienfait عظيم que Allah subhanahu wa ta'ala il t'a facilité, أخي الكريم, أنك tu as accepté le message de ce prophète عليه الصلاة والسلام. C'est une ni'ma azima annaka tu aimes ce messager. Alayhi salatu wassalam. Combien de gens ils ont été privés de cette ni'ma? Tu connais, et tu en as connu, et tu en connaîtras. La yu'minuna bir rasul alayhi salatu wassalam. Ils ne croient pas au prophète alayhi salatu wassalam. Ils n'acceptent pas son message. Ba'dhum ils l'insultent, ba'dhum iyadan billahi, ils se moquent. C'est une ni'ma azima anna Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé ce messager. Et vous avez remarqué, anna l'envoi du messager c'est pour tout le monde. C'est pas que pour les Arabes, c'est pas que pour tel pays, c'est pas que pour telle génération, c'est pour tout le monde. De l'époque du prophète عليه الصلاة والسلام jusqu'à la fin des temps. C'est une ni'ma fil haqiqa pour tout le monde. Lakin la plupart des gens, ils n'ont pas donné de la valeur à ce bienfait. Ceux qui ont donné de la valeur, c'est ceux qui ont cru au prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام. C'est ceux qui l'aiment plus que leurs propres enfants, plus que eux-mêmes, plus que leurs propres parents. Ceux qui ont reconnu cette ni'ma, c'est ceux qui font des efforts pour le suivre. لماذا لأن ست نعمة الله سبحانه وتعالى nous a envoyé ce messager ليطاع ليطاع et pour être suivi pas pour autre chose. Enfin, on doit l'aimer, on doit croire en lui et on doit le suivre عليه الصلاة والسلام. قال بالهدى الذي هو العلم النافع والدين الحق الذي هو العمل الصالح. نعم. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى c'est العلم النافع. نعم أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. دين الحق c'est العمل الصالح. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a été envoyé avec العلم القرآن. Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé le Coran al-Karim, et la parole d'Allah Azza wa Jal, et que d'alik as-sunna, la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et dinu al-haq, la religion de vérité, c'est al-amal al-salih. Ça nous montre que notre dîn il est fondé sur ces deux points, la science et la mise en application. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Fa'ilmun, et oui, l'amal ça sert à rien. واحد كي كرو لكن اي مي با ان ابليكاسيون سي دوكون يوتيليتي مثلا واحد يسي كو لا اله الا الله سي الحق اي سي كو لو بروفيت صلى الله عليه وسلم سي الحق لكن اي فو با برونونسي الشهاده الا دور با الله عز وجل الا دور اوتر ك الله سبحانه وتعالى سي سون علم كي جوست اي سي كو لو بروفيت اللي على حق سا لوي دوكون يوتيليتي كما حصل لابي طالب لونكل دو بروفيت عليه الصلاه والسلام اي سافي تري بيان ك لو بروفيت صلى الله عليه وسلم c'était le haq, et il appelait au haq. Mais pour plusieurs raisons, il n'a pas prononcé face à ce ilm qu'il avait, cette connaissance, cette ma'rifa, c'est d'aucune utilité. Ça n'a été d'aucune utilité pour lui. Et les efforts qu'il a fait pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, khaffafa an, son châtiment, il a été allégé. Amma annahu, c'est utile, il ne sera pas châtié ou il rentrera fil jannah, abadan. هذا لابد من التوحيد من التوحيد قال وهو العمل الصالح أي قوله ودين الحق العمل الصالح إذا يرمكيك العمل هنا قيد وصف بصفة عظيمة إلا بدي العمل فقط العمل الصالح لأن كم من الناس يعملون في الحقيقة يسون با سور دين الله عز وجل الحق لأن العمل كذلك ça suffit pas. العلم ça suffit pas. Le علم lui-même il suffit pas. Il faut علم القرآن والسنة. كم من الناس ils apprennent des choses c'est du علم لكن c'est pas علم نافع. ثم العلم علم القرآن والسنة ça suffit pas qu'avec le fruit de هذا العلم la mise en application. القرآن حجة لك أو عليك. القرآن إما c'est pour toi إما c'est contre toi. هذا العمل ça suffit pas إلا إذا كان عملا صالحا. كم من الناس ils appliquent des choses et peut-être qu'ils ont une bonne intention لكن c'est pas accepté. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود. الله il accepte que الطيب. إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'accepte pas le bid'a, il n'accepte pas le shirk, il n'accepte pas un amal qui est fait pour autre que lui. Wallah subhanahu wa ta'ala qal, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. تأمل, العمل souvent dans le Coran, il est cité avec العمل أي الصالح. إِنَّ الْإِنسَانَ لَا فِي خُسْرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. فمجرد العمل ça suffit pas, il faut que ce عمل il soit صالح. فاستقم كما أمرت, pas comme tu veux. الاستقامة c'est la bonne croyance bien sûr, des paroles et des œuvres. Tout ça ça doit être comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré, pas comme on veut نحن. بعض الناس ils font des efforts في العبادة et quand tu lui demandes des sources لا يدري. Et Obama, il fait des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a jamais ordonné, ne nous a jamais conseillé, n'a jamais accepté. فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ سَنْ أَمْرُ. On doit suivre, on doit adorer plutôt Allah subhanahu wa ta'ala, suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme on a été ordonné de le faire. فَمَثَلًا Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de faire salat à telle heure, c'est telle heure. Sauf celui qui a une excuse, il a akhira. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de faire salat al-duhr 4 raka'a. On n'a pas le droit de faire 3 ou 5, c'est interdit. Alors notre dîn, il est fondé sur Al-Haq. Qala, wa huwa al-amalu s-salih li yudhhirahu ala jami' al-adyan bil-hujjati wal-burhan wa bil-izzi wal-sultan. Et ça, c'est wa'dullah subhanahu wa ta'ala. Li yudhhirahu ala al-dîn kullih. Wa kafa billahi shahida. Ça, c'est wa'dullah. C'est une promesse d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, la yukhlifu al-mi'ad. Anna hadha al-dîn, il prendra le dessus. Avec nous ou sans nous? Naam. Peut-être qu'on va assister à Hadal Nasr ou peut-être qu'on ne va pas assister. Lakin, on doit avoir cette conviction. Anna din Allah subhanahu wa ta'ala mansour. Limada li anna c'est din Allah. Azza wa jal. C'est pour ça qu'on doit tout faire nahnou, pour faire partie de ceux qui sont une cause fi nusrati dinillah. Une cause pour secourir din Allah. Azza wa jal. وكفى بالله شهيدا على صدق رسوله وحقيقة ما جاء به. Ça, ça montre qu'on a celui qui ne croit pas, il se fait du mal qu'à lui. Il se fait du mal qu'à lui. Allah subhanahu wa ta'ala, il a besoin de personne. C'est le Ghani, c'est le Qayyum, c'est le Samad, c'est les gens, c'est les créatures qui ont besoin de lui. وكفى بالله شهيدا. Et même si tout le monde ne croit pas, كفى بالله شهيدا. Allah subhanahu wa ta'ala, il suffit comme témoin. Même si toute la terre, personne en Qadr n'aurait suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça n'aurait rien changé. Aïe, un nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé à la vérité. Walhamdulillah, ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, ils l'ont secouru, les imams après lui, les musulmans qui sont venus après. Ila yawmina hada, comme a dit le nabi sallallahu alayhi wa sallam, la tazal ta'ifatun min ummati ala al-haq zahirin. Pour montrer que telle chose c'est la vérité, c'est pas forcément lié au grand nombre. C'est pour ça que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la tazal ta'ifa min ummati, un groupe de cette communauté, ils seront toujours sur le haq. Même si les autres ne sont pas d'accord, même si les autres les accusent, ça ne change rien. C'est pas par rapport au nombre. Le haq, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à ce qui a été cité juste auparavant. Alhamdulillah, alladhi arsala rasulahu. C'est ça le haq. Celui qui suit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, bilhuda, al-ilm. C'est ça la vérité. Celui qui suit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui fait des efforts dans l'ilm et qui s'efforce à mettre en application, il est sur le haq. Que les gens soient d'accord ou pas, ça ne change rien. Il est sur le haq, il est sur le haq. Fahada, il doit yajib alayhi an yahmad Allah. Alhamdulillah. Alladhi arsala rasulahu. Fi hada al-hal, al-insan yukthir min alhamd. Qala, وشهادته تعالى بقوله وفعله وتأييده لرسوله بالنصر والمعجزات والبراهين المتنوعة الدال لكل نعم كل واحد منها نعم قال المتنوعة الدال لكل واحد منها فكيف بجميعها الله سبحانه وتعالى نصر رسوله avec des معجزات اقتربت الساعة وانشق القمر المعجزة عظيمة. Et on en a cité plusieurs dans la kalima qu'on avait fait ensemble sur le fait que ils ont vu ces mu'jizat, ils ont vu ces miracles, ils les ont vus de leurs yeux et ils n'ont pas voulu croire. Yadam billah. Qala fa kayfa bi jami'iha ala risalatihi wa sidqihi wa anna jami'a ma ja'a bihi huwa al-haq min aqa'id wa akhlaq wa adab wa a'mal wa ghayriha. C'est pour ça qu'on doit le suivre et c'est pour ça que ça doit être notre seul modèle, alayhi salatu wassalam. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ عَنْ أَمْرِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم. Pas d'un autre. Les autres, tu peux prendre leur kalam, tu peux le délaisser. كما قال الإمام مالك رحمة الله عليه كل يؤخذ من قوله ويرد ما منا إلا مردود عليه. Aïe. Mais maintenant, on peut prendre sa parole et on peut délaisser sa parole. Illa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si on a la conviction que c'est le haq, aïe, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est à l'haq, il a reçu le haq, aïe, la parole d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé au haq, que ce soit l'aqaïd, ou l'akhlaq, ou l'adab, ou l'amal, que ce soit tout ce qui concerne la croyance, ou le bon comportement, ou les œuvres, ou ghayri dhalik. Ça doit être notre seul modèle. Et si on veut adorer Allah Azza wa Jalla, on doit faire des efforts pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala en suivant le prophète alayhi salatu wasalam. Pas en suivant ce qui nous arrange. Pas en suivant le grand nombre. Pas en choisissant la chose la plus difficile. Rien n'est la chose la plus difficile, c'est pas le haq. Pas en choisissant la chose la plus facile. Rien n'est la chose la plus facile, c'est pas le haq. Là, notre mizan, ça doit être قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Tout ce que le prophète صلى الله عليه وسلم vous donne, prenez-le. Ce qui vous interdit de laisser, craignez Allah. Ça doit être ça notre mizan. قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قرارا به وتوحيدا أي أقر وأعترف مصدقا ومنقادا أنه لا يستحق الألوهية وهي التفرد بكل كمال إلى الله وأنه لا يستحق العبادة إلا هو وحده لا شريك له هذا تقدم معنا كثيرا أي l'explication de الشهادة dans nos دروس de التوحيد أي pour résumer وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أي on prononce cette شهادة et le sens أن لا أحد يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى personne ne mérite d'être adoré sauf Allah عز وجل donc مفهوم الكلمة أن tous ceux qui sont adorés من دون الله عز وجل cette adoration elle est باطلة est-ce que celui qui est adoré c'est un tarout là il y a un tafsil s'il appelle à être adoré c'est un tarout si c'est un nabi ou un homme pieux il n'a jamais appelé à être adoré il est bari عن هؤلاء المشركين وإلى غيان أبو عبك هؤلاء لبخفة عيسى عليه الصلاة والسلام مثلا إلى أدغي كم من الصالحين يسون أدغي دي غران زمام دولة السنة فهؤلاء أبدا واحد يدوى دير طاعوت في هؤلاء هذا سي تخي تخي غران لا الطاعوت سي celui qui accepte et qui appelle à être أدغي donc هذه الشهادة سي شهادة التوحيد أي personne ne mérite d'être أدغي سوف الله إقرارا به وتوحيدا قال إقرارا أي أقر وأعترف مصدقا ومنقادا نعم دونك تقر وتعترف مصدقا ومنقادا تكسبت كسي الحق et tu te soumets ça nous montre أن هذه الشهادة elle est fondée sur plusieurs choses elle est fondée sur العلم tu dois connaître son sens et كذلك elle est fondée sur العمل tu dois mettre en application parce que celui qui prononce أشهد أن لا إله إلا الله il doit adorer que Allah seul il ne doit pas adorer un autre قال ولهذا قال إقرارا به أي بالقلب واللسان إقرارا c'est le fait d'accepter t'accepte avec ton cœur et avec ta langue pourquoi l'exemple qu'on a cité auparavant Abu Talib il n'est pas rentré fait l'islam même si au fond de lui il savait très bien que c'était la vérité lakin il n'a pas voulu prononcer alors qu'il avait le qudra ça ne sert à rien un deuxième exemple et c'est l'inverse pourquoi les munafiqoun ils ont prononcé cette shahada إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله لا شك إلا prononcé s'ils ont prononcé أنه رسول الله لا شك إلا prononcé أنه لا إله إلا الله لأن les deux shahadas vont ensemble ça n'a pas été accepté de l'imam لأن le cœur il n'était pas soumis enfin لابد les deux la langue bien sûr celui qui a la capacité et le cœur قال إخلاصا لله في كل عبادة قولية أو عملية أو اعتقادية لماذا لأن الشرك dans العبادة que ce soit une عبادة قولية avec la langue أو عملية avec les membres أو اعتقادية avec le cœur ça annule toutes les œuvres الشرك الأكبر bien sûr لأن أشركت لا يحبطن عملك الله سبحانه وتعالى il annule toutes les œuvres du مشرك أي شركا أكبر قال وأعظم ما يوحد به ويتقرب إليه أي إلى الله به تحقيق العقيدة السلفية ça c'est من أعظم القربات parmi les plus grandes adorations c'est تحقيق هذه العقيدة عقيدة السلف donc ces cours où tu prends le temps أخي الكريم et tu fais des efforts c'est من أعظم القربات لماذا لأن tu apprends un علم qui est le علم le plus important علم العقيدة أي c'est qui Allah subhanahu wa ta'ala et tout ce qui est lié à l'akhira tout ce qui est lié à l'invisible tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de croire comme fait le Coran min ayat sur al-hath ala al-iman beaucoup donc celui qui apprend sa aqidah fil haqiqa il haqq hadha المطلب العظيم et on est tous concernés tous les êtres humains ils sont concernés celui que Allah subhanahu wa ta'ala il a wafqé il aime cette aqida et il fait des efforts pour l'apprendre هذه c'est une bouchra azima ça c'est من أكبر النعم même si tu as moins que les autres في الدنيا même si بعض الناس ils t'accusent à tort Même si tu es prouvé par la maladie, par certaines choses, ihmadillah. Ihmadillah, Allah subhanahu wa ta'ala, fil haqiqa, il t'a choisi parmi beaucoup de ses créatures. C'est pour ça qu'en se rappelant de ces ni'am, beaucoup de problèmes ou beaucoup d'épreuves qu'on subit, fil haqiqa, ça allège, dit-il. Les épreuves, ça vient, ça part. Lakin hadhihi al-aqida qui est dans ton cœur, bi'idnillahi azza wa jalla, ça sera la cause de najatuk, tu seras sauvé. Bi'idnillahi azza wa jalla, fi dunya wa fi al-akhirah. Lakin il faut faire des efforts. Amma al-qawluhu tahqiq. C'est un mot fort, hada. Qal wa yataqarrab ilayhi bihi tahqiq al-aqida. Il n'a pas dit lire. Na'am, il n'a pas dit écouter. Là, il a dit tahqiq, at-tahqiq. Ça vient du mot haqq. C'est à la wazn taf'il. Et ça montre que tu dois faire des efforts pour que cette chose, elle soit ancrée dans ton cœur. Bien sûr, il faut de la lecture, il faut une étude, il faut demander, et il faut mettre en application. C'est ça, tahqiq al-aqid. Mais moujarrad de lire hakada le matn, ou encore plus ba'id, une traduction. C'est pas suffisant, hada. Là, il faut une étude. Une étude, khasatan avec un sharh min ahad al-muhaqqiqin min ahl al-ilm. Car Cheikh Sa'di rahimahullah ta'ala, bi'idn Allah azza wa jalla, ça va te faciliter hada. Qala al-muhtawi 'alayha hada al-kitab wa bitahqiq al-'aqidah tasluhu al-a'mal wa tuqbal wa tastaqim al-umur. Ça, c'est les fruits de cette étude. وبالتحقيق العقيدة تصلح الأعمال وتقبل كما قال عز وجل إنما يتقبل الله من المتقين. الله سبحانه وتعالى il accepte pas de tout le monde, il accepte de celui qui a هذا المعتقد, المسلم المؤمن الموحد. أما المشركون أو المعطلة كالجهمية عياذا بالله, non, ils ont rejeté les noms d'Allah, les attributs d'Allah. Ba'duhum, a'iyadun billahi. Ils rejettent des choses claires min al-Qur'an al-Karim ou de la sunna du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont à la khatr azim. Ça nous montre qu'on a celui qui haqq cette aqida. Allah, subhanahu wa ta'ala, il acceptera ses œuvres. Limadha li'annahu, il a appliqué la condition principale. Al-mu'taqad al-sahih, la croyance authentique. Qawluhu, innama yataqabbal Allahu min al-muttaqin. La chakana, aslu at-taqwa, la base de la piété, traduit at-taqwa, c'est cette croyance authentique. Qal wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam tasliman mazida. Ash-shahadatu lir-rasul bir-risala wal-ubudiyyah maqrunatun bish-shahadati lillah bit-tawhid. La yakfi ihdahuma 'an al-ukhra wa la bud فيها من اعتراف العبد بكمال عبودية النبي صلى الله عليه وسلم لربه وكمال رسالته. Deuxième point, Cheikh l'Islam, il a cité bien sûr la première partie de la shahada, ثم il a cité la deuxième partie. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Donc notre prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم, c'était un abd. Ça, c'est un point très très important. C'était un abd. Et on n'a pas le droit de l'adorer. C'était un être humain. Il mangeait, il dormait, il se déplaçait, il se mariait, il a akhir. Et كذلك, c'était un rasoul. Bel afdal ar-rusul, alayhi salatu wassalam. Bel afdal al-bashar, le meilleur des êtres humains, alayhi salatu wassalam. Et هذان الوصفان في الحقيقة سنو permet de rester dans le juste milieu. عبده, et c'est son عبد, c'est une de ses créatures, c'est Allah qui l'a choisi. حتى on tombe pas dans l'exagération comme ils ont fait النصارى المشركون, qui ont prétendu que Isa c'était الإله ou c'était le fils de الإله de Allah, عيادا بالله. Et ils se sont égarés et ils ont tout perdu. أما نحن on dit là c'est un عبد. C'est pas un ilah, a'oudou billah. Et كذلك, c'est pas le fils de Allah subhanahu wa ta'ala. Abadan, c'est un abd. C'est un être humain. Et كذلك, نعتقد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. باكم إذن في اليهود أنهم حاربوا الأنبياء والرسل وقاتلوهم وقتلوهم إلى آخره. كذلك انحرفوا. أما المسلم il est toujours sur le juste milieu. Son prophète, c'est un abd, c'est un être humain et c'est un rasoul. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a élevé par rapport à tous les êtres humains. Enfin, c'est pas un être humain comme les autres, lakin ça reste un être humain. Alayhi salatu wassalam. Qala, falihada, dans notre nusra, il a nabbah al-muhaqqiq, inda qawlihi al-shahadatu lil-rasoul bil-risala wal-uboudiyya. Il ne pas comprendre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, yastahiq al-ibada, abadan. الرسالة سقوله ورسول والعبودية سعبد أي الشهادة للرسول أنه سأرسول إلى رسول من سعر وكذلك أنه سعبد فلهذا قال في الحاشية أي العبودية لله بأن محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله العبودية أي لله أي سعبد ودي عبد الله ورسوله ثم قال رحمه الله وكمال رسالته المتضمنة لكماله صلى الله عليه وسلم وأنه فاق جميع البشر في كل خصلة كمال. Donc c'est un être humain, لكن c'est le meilleur des êtres humains. الله سبحانه وتعالى il l'a élevé par rapport à tous les êtres humains. قال ولا تسمى شهادة حتى يصدقه العبد في كل ما أخبر. Et c'est là. On doit faire très très attention. Hadhihi al-kalima, c'est pas qu'une kalima qu'on prononce sans conviction, sans mettre en application, sans avoir des principes. La preuve, c'est qu'on dit ashhadu, on témoigne. Et le témoignage, c'est quelque chose de très très important. Falihada an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala ala wa shahadatu zur. Shahadatu zur, ça fait partie des très grands péchés. Et le faux témoignage. فالسو تمونياج الآن أشهد أن محمدا عبده ورسوله وقبل ذلك أشهد أن لا إله إلا الله c'est le témoignage le plus important. Donc tu témoignes أنه لا إله إلا الله تشهد. Et الشهادة ça implique des choses. Celui qui témoigne أنه لا إله إلا الله il n'a pas le droit d'égorger pour une tombe, sacrifier pour une tombe. Il n'a pas le droit d'aller voir des sorciers. Il n'a pas le droit de, iyadun billah, d'avoir peur d'un makhlouq comme on a peur d'Allah Azza wa Jal. Il n'a pas le droit de prétendre que tel homme ou telle femme, ils connaissent l'invisible. Limada li anahu témoigne anahu la ilaha illallah. Et ça, c'est min awsaf al-ilah. Le fait de mériter l'adoration, de connaître l'invisible, la akhiri. Kadhalik, celui qui témoigne anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. فكما قال الشيخ سعدي ونغبت قال ولا تسمى شهادة حتى يصدقه العبد في كل ما أخبر. Si tu témoignes أن محمدا عبده ورسوله, tu dois pas avoir de doute. النبي صلى الله عليه وسلم nous a informé beaucoup de choses qui sont passées et qui se passeront et dans le futur. On doit croire, tu dois avoir aucun doute. Tant que الخبر il est صحيح, il est ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم, tu dois croire. قال وتطيعه في كل ما أمر. كذلك tu dois lui obéir بقدر الاستطاعة فاتقوا الله ما استطعتم وقال النبي صلى الله عليه وسلم وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. Bien sûr, cela c'est selon la capacité. أما témoigner أن محمدا عبده ورسوله et suivant un autre, quand on a besoin du haq, on demande ou on cherche la vérité autre que dans la sunna, ou si quelqu'un montre à une personne une preuve claire أن النبي صلى الله عليه وسلم il a fait telle chose, ثم هو لا يدي ما أنت لي لا بفه هذا إلى أن ضعف كبير إلى دي زنة ومن فبلس dans son témoignage. قال وينتهي عما نهى عنه. Et كذلك celui qui témoigne أن محمدا رسول الله il doit s'écarter des choses que le Nabi صلى الله عليه وسلم nous a interdites. Ça ne veut pas dire أن celui qui manque une obligation ou qui fait un interdit أنه son témoignage il est nul. Là, ça c'est pas من عقيدة أهل السنة. Et شيخ الإسلام رحمه الله il a cité ce point dans cette risala qu'on va étudier ensemble, inshallah ta'ala. Là, lakin, ça veut dire que celui qui n'obéit pas au prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam dans certaines choses, ou qui fait certaines choses que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit, il a des faiblesses dans son témoignage. Et si c'est un musulman, c'est un musulman. Lakin, par rapport au suivi, l'iman il est qawi. Et shahada hadhihi il est qawi. Ce témoignage il sera fort. C'est lié à la foi. Et s'il a des manquements, son témoignage, il est basé sur des faiblesses. Ama celui qui obéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans rien et qui fait toutes les interdictions, mathalan il prononce pas shahada, il applique pas tawhid, il fait pas salat et kadhalik il fait du shirk, qui fait toutes les interdictions, fa hada, même s'il prononce shahada, hada, c'est pas un musulman bil ijma'. قال وبهذه الامور تتحقق الشهاده لله بالتوحيد وللرسول بالرساله. Ça, ça nous montre أن هذين أو هاتين الشهادتين, c'est pas que une parole avec la langue. Et on a étudié والله الحمد dans plusieurs livres, on avait étudié une رسالة نافعة. Et on conseille à nos frères de la lire, ceux qui ont la qudra de l'étudier. مفتاح دار السلام de الشيخ العلامة حافظ الحكمي رحمة الله عليه. Une رسالة très courte, très résumé, c'est la base de l'islam, c'est l'explication du premier pilier de l'islam. Et at-tawhid, c'est miftah al-jannah, c'est la clé du paradis. Lakin, dans cette risala, il a cité les causes pour que cette clé, bi-idnillah azza wa jal, elle te permettra d'ouvrir les portes de l'jannah. Bi-idnillah azza wa jal, on répète. ثم قال المصنف رحمه الله أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. هنا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى ستان أبيرسو دو سيت عقيدة. سي كوا سيت عقيدة؟ قال فهذا اعتقاد الفرقة الناجية. أي سو ليفر qu'il a écrit, rahmatullah alayhi, cette risala, c'est pour montrer la aqida de cette firqa, al-Najiyah, ay ahl al-Sunnah. Qala al-Sheikh Sa'di, rahimahullah, yaqul al-Musannif, rahimahullah, in ihtawat alayhi hadhihi al-risala, in huna se'in al-Mazdariya, qala, hadhihi al-risalatu huwa al-aqidatu al-munjiya min al-halak wa al-shurur wal-muhassilati والمحصلة لخيري نعم بفتح الراء لخيري الدنيا والآخرة أي دو خير celui de الدنيا والآخرة فهنا لمثنى donc mettez une fatha au-dessus du ra حتى vous le lisez correctement. قال المحصلة لخيري الدنيا والآخرة الموروثة عن محمد صلى الله عليه وسلم المأخوذة عن كتاب الله والسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه العقيدة تأمل أن شيخ الإسلام إلا كاليفيه دو اعتقاد الفرقة الناجية أي المنجية أي ست عقيدة سي une très grande cause pour que l'insan y soit sauvé le jour du jugement. الفرقة الناجية أي le groupe sauvé qui seront sauvés من عذاب الله عز وجل يوم القيامة et كذلك qui seront sauvés et préservés de l'égarement في الدنيا بإذن الله سبحانه وتعالى. قال والمحصلة لخيري الدنيا والآخرة. Celui qui veut le khayr, qui veut réussir dans ce bas monde et dans l'au-delà, la première cause, c'est apprendre ta aqida. Tout le reste, ça vient après. Si tu as une aqida solide et authentique, Allah سبحانه وتعالى, il t'ouvrira les portes. Il t'ouvrira les portes par rapport à ton din et par rapport à dunya. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Et at-taqwa, c'est l'aqida. At-taqwa, c'est fondé sur l'iman, c'est fondé sur la croyance. Allah subhanahu wa ta'ala, à ha'oula, il ouvre les portes, il leur donne des issues. Que ce soit pour leur dîn ou pour dunya. Qala, al-ma'khoudha an kitabillah wa sunnati rasoulihi sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est masdar hadhihi al-aqida. Et les sources. On sait qu'on doit apprendre cette aqida. C'est quoi les sources? Et on doit revenir à quoi? Au Qur'an. Et à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Wa hiya allati 'alayha as-sahabatu wat-tabi'un lahum bi ihsan ila yawm al-qiyamah alladhi dhamana Allahu lahum 'ala lisan rasulih sallallahu alayhi wa sallam an-nasra ila qiyam as-sa'ah. Na'am. Hadhihi c'est une précision importante. Anna hadha al-mu'taqad ila kum source al-Qur'an as-sunna avec la compréhension de as-sahaba radiyallahu anhum et ceux qui sont venus après. Li'anna wa'd an-nas, ils ont propagé des croyances fausses et ils ont cité comme argument certaines preuves. Et les preuves authentiques qu'ils ont citées, elles ne sont pas à leur place. Ah oui, ils les ont compris avec leur passion. بعضهم ils ont comme عقيدة أن الله il est partout. Et ils ont cité comme argument قول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم. وهو معكم أينما كنتم. أي الله il est avec vous où que vous soyez. Donc ils ont dit الله il est partout. عياذا بالله. Ça c'est très très grave. Ils seraient revenus aux compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام, ils auraient compris أن المعية هنا c'est معية العلم. لأن الله عز وجل قال الرحمن على العرش استوى. أأمنتم من في السماء؟ الله il est au-dessus. وهو معكم أينما كنتم أي بعلمه. Et Allah, où que tu sois, il te voit, il t'entend, il connaît ta situation, il sait ce que tu penses. Et il sait ce que tu as fait, ce que tu feras. Lakin, hada, c'est en revenant au salaf. Amma al-ba'd, ils ont pris des parties de versets, on dit même pas des versets, des parties. Et ils ont pensé que c'était des arguments. Et vu que ils ont pensé que c'était un argument pour leurs égarements, ils les ont utilisés. قال والنصر إنما حصل لهم ببركة هذه العقيدة والعمل بها وتحقيقها بالقيام بجميع أمور الدين وأصلها الذي تبنى عليه هي الإيمان بهذه الأصول الستة التي صرح بها الكتاب والسنة في مواضع كثيرة جملة وتفصيلا. أي la base de cette croyance c'est les six piliers de la foi que Cheikh al-Islam il a cité هنا بالجملة. قال وتأصيلا وتفريعا وهي المذكورة في حديث جبريل المشهور حين سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم. Donc on vient une dhamma sur Jibril à la fin sur le lam. لماذا؟ لأن السائل c'est Jibril. Et on vient une fatha à la fin sur le ya. سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم. C'est Jibril qui a questionné le prophète صلى الله عليه وسلم. ما الإيمان؟ أو ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان النبي صلى الله عليه وسلم إلى répondu à chaque fois. قال عن الإيمان فأجابه صلى الله عليه وسلم بها فهذه الرسالة من أولها إلى آخرها تفصيل لهذه الأصول الستة. Donc cette عقيدة elle est fondée sur les six piliers de la foi. أي les six piliers qui sont cités dans حديث جبريل. حقيقة إلي كونو بحديث جبريل وإلا سحديث عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم سحديث أبي هريرة في الصحيحين إلى علاه نعم إلى ستة هذا في الحاشية المحقق فهذا والحمد لله. هذه هي مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فدان صدرس دان صدرس ونالو لمقدمة الشيخ سعدي رحمه الله dans laquelle il a montré pourquoi il a pourquoi il a pris la décision d'expliquer ce livre. Il a voulu faire une explication très simple, très brève. Rahmatullah alayh. Thumma, on a lu l'explication, ou plutôt l'introduction de l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Et il a commencé par Alhamd wa thana ala Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma, il a témoigné annahu la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah alayhi salatu salam. Thumma, il a démontré cette risala qu'il a écrite, c'est pour clarifier, pour montrer la croyance du groupe sauvé. La croyance des salafs, la croyance de Ahl-Sunnah wal-Jama'ah. Et cette croyance, elle est fondée sur les six piliers de la foi. Nas'alullah Azza wa Jal al-Tawfiq wa al-Sadad. Et on passe à notre deuxième dars, bi-idhnillah Azza wa Jal.